إن الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعادنا الله وإياكم من النار. Aujourd'hui, inshallah ou ta'ala, nous allons parler de la définition de l'islam. Car l'islam n'est pas un simple mot sans valeur et dénué de signification réelle, qu'on prononce de la langue sans que cela n'exige la moindre concrétisation. L'islam a un sens bien réel. Ce mot ne sert d'ailleurs à rien s'il est utilisé sans viser son sens réel. C'est pour cela qu'il est nécessaire de définir ce qu'est l'islam pour être capable de définir ce qu'est le musulman. Car en arabe, le mot muslim signifie littéralement celui qui fait l'islam, et donc ne sera musulman que et uniquement que celui qui fait l'islam. Quant à celui qui ne fait pas l'islam, il ne pourra pas être nommé et encore moins jugé musulman. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le Coran, dit ô gens du livre, venez autour d'une parole en commun entre vous et nous, que nous n'adorions rien d'autre qu'Allah et ne lui associons rien, et que nul d'entre nous ne prenne d'autre pour Seigneur en dehors d'Allah. S'il se détourne de cette parole, alors dites, témoignez donc que nous nous sommes soumis. Sourate 3, verset 64. Ce verset indique que celui qui se détourne de cette parole n'est pas musulman. Or, cette parole n'est autre que n'adorer qu'Allah et ne rien lui associer, et ne pas prendre de Seigneur qui détermine le licite et l'illicite en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Muslim rapporte dans son sahih an Ibn Umar radiyallahu anhuma an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala bunya al-islamu ala khams an ya'bud Allah wa yakfuru bima dunahu wa iqama as-salat وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. D'après Ibn Umar radiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam est fondé sur cinq choses: adorer Allah et rejeter tout autre qui est adoré en dehors de lui, accomplir la prière, donner la zakat, le pèlerinage à la maison sacrée et le jeûne du mois de Ramadan. Et toujours d'après Muslim, عن مالك عن أبي مالك عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. D'après Malik, d'après son père qui dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui professe la ilaha illallah et qui rejette ce qui est adoré en dehors de lui, son sang et ses biens sont sacrés et son sort appartient à Allah. L'imam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi, il nous dit, l'islam est la religion de tous les prophètes et messagers des communautés qui les suivirent. C'est ainsi que nous a informé Allah subhanahu wa ta'ala dans plus d'un passage de son livre. Il nous a informé pour Nuh, Ibrahim et Israël, alayhim salam, qu'ils furent tous musulmans. Et de même pour ceux qui suivirent Moussa et Isa, alayhim salam, et d'autres qu'eux encore. Et l'islam, ça veut dire se soumettre à Allah et à personne d'autre. Ça veut dire adorer Allah et ne lui donner aucun associé, s'en remettre à Allah seul, n'espérer que lui seul, ne craindre que lui seul et aimer totalement Allah subhanahu wa ta'ala et n'aimer aucune créature comme Allah subhanahu wa ta'ala, mais au contraire, aimer pour Allah et détester pour Allah, s'unir pour Allah et se séparer pour Allah. Celui qui par orgueil n'adore pas Allah n'est pas musulman. Et celui qui adore Allah et quelque chose d'autre qu'Allah, il n'est pas musulman non plus. Et l'adoration d'Allah n'est autre qu'obéir à Allah. Et ceci s'accomplit en obéissant au messager qu'il envoie. Dès lors, En fait, celui qui obéit à Allah, au messager, a en fait obéi à Allah. En effet, pour tout messager, une loi l'accompagna. Tout messager fut envoyé avec une loi. S'y conformer lorsqu'elle est en vigueur, c'est ça l'islam. Par contre, ce qui a été modifié par les créatures, ceci n'est pas l'islam. Et lorsqu'Allah y abroge quelque chose, alors ce qui a été abrogé n'est plus l'islam. Comme par exemple, lorsqu'il fallait se tourner vers Jérusalem lors des premiers mois au début de la hijra, de l'émigration, pendant une dizaine de mois, puis il fut ordonné de se tourner vers la Kaaba. Et les deux directions étaient l'islam dans la période où chacune était en vigueur. Mais une fois abrogé, se tourner vers Jérusalem n'était plus l'islam. Seule la direction de la mosquée sacrée de la Mecque devait être prise par celui qui prie. Et à partir de là, quiconque veut prier dans une autre direction que cela, il n'est plus dans la religion de l'islam, car il veut adorer Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière qu'Allah n'a pas commandée. Et c'est la même chose concernant toute innovation religieuse s'opposant aux ordres du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Soit c'est une modification apportée de toute pièce par une créature qu'Allah n'a jamais prescrite, soit c'est une chose qu'Allah avait prescrite, mais après qu'il a abrogée, comme par exemple le fait de prier vers Jérusalem. Il dit ça dans un livre qui s'appelle « An-Nubuwa », tome 1, page 416 à 418. Et il dit aussi, Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi, il dit, j'ai déjà mentionné dans les principes précités que l'islam, qui est la religion d'Allah, pour laquelle il révéla les livres et envoya des messagers, consiste à ce que le serviteur se soumette à Allah, le Seigneur des mondes, qu'il se soumette intérieurement à Allah seul, sans associé, et qu'il l'adore et n'adore personne d'autre. Comme l'expose la meilleure parole et la tête de l'islam, le témoignage qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah. Or, ce témoignage a deux opposés, l'orgueil et l'idolâtrie. Celui qui, par orgueil, n'adore pas Allah, n'est donc pas soumis à Allah, et celui qui l'adore avec quelque chose d'autre, lui a alors donné un associé, et ne lui est donc pas soumis, et ne lui est donc pas pur, mais il lui a donné un associé. Dans Majmou' al-Fatawa 7, page 623. Et il dit aussi le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi. فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده. فمن استسلم له ولغيره كان مشركا ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته والمشرك به والمشرك والمستكبر عن عبادته كافر والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده فهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره. Il dit dans Majmou' al-Fatawa, tome 3, page 91, il dit l'islam englobe la soumission à Allah seul. Celui qui se soumet à Allah et à un autre est un idolâtre. Et celui qui ne se soumet pas du tout à Allah est un orgueilleux qui refuse de l'adorer. Or, l'idolâtre, tout comme l'orgueilleux, sont mécréants. Se soumettre à Allah uniquement inclut à l'adorer seul et lui obéir à lui seul. Et ceci est la religion d'Allah. Allah n'accepte aucune autre religion. Et il dit aussi, Rahimahullah ta'ala, « وَذَلِكَ أَنَّهُ عُلِمَ بِالتِّرَارِ » أن الرسول كانوا يجعلون ما عبده المشركون غير الله ويجعلون عابده عبادا لغير الله مشركا بالله عادلا به جاعلا له ندا فإنهم دعوا الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له وهذا هو الدين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين غيره. Et il dit ceci, car il est connu dans la religion et c'est élémentaire que les messagers considéraient que ceux qu'adoraient les idolâtres n'est pas Allah, et qu'ils prenaient ceux qui adoraient ces choses pour des adorateurs d'un autre qu'Allah, pour des polythéistes, pour des mushrikines, qui donnent des associés à Allah et qui lui donnent des rivaux. Ils ont certes appelé les créatures à n'adorer qu'Allah seul sans associé. Et c'est ça la religion d'Allah, pour laquelle il fit descendre les livres saints, et pour laquelle il envoya les messagers, et ceci est l'islam général de tous les prophètes, en dehors de laquelle aucune n'est acceptée par Allah, ni de la part des premiers, ni de la part des derniers. Majmou' al-Fatawa, tome 2, page 256. Et Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahmatullahi alayhi, il dit: ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد ويتضمن الإخلاص فمن استسلم له ولغيره فهو مشرك ومن لم يستسلم له فهو مستكبر Il dit: le mot islam inclut la soumission à Allah et la docilité, et cela inclut aussi la consécration du culte à Allah. Ainsi, celui qui se soumet à Allah et à un autre qu'Allah, c'est un polythéiste, un associateur, et celui qui ne se soumet pas du tout à lui, c'est un orgueilleux. Durar al-Saniya 2, page 83. Et il dit aussi, Rahimahullah, wa aslu thani ma'arifatu din al-islam bil-adillah, wa huwa al-istislamu bil-tawhid, wal-inqiyadu lahu bil-ta'a, wal-bara'atu min al-shirk wa ahli. Il dit: le deuxième principe, c'est de connaître l'islam sur base des preuves. Et c'est de se soumettre à Allah par le biais du monothéisme, du tawhid, et lui être docile avec obéissance et se séparer du shirk et ceux qui le commettent. Durar al-Saniya 1, page 129. Et il dit aussi, Rahimallah, certes, le biais par lequel l'homme entre dans l'islam, c'est l'unicité d'Allah dans la divinité. Ce qui veut dire qu'il n'adore rien d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ni un ange proche d'Allah, ni un prophète envoyé par lui. Ceci car le prophète, alayhi salam, fut envoyé aux païens, aux mécréants, qui adoraient les choses avec Allah, En effet, certains adoraient les idoles, d'autres invoquaient Jésus, Isa alayhi salam, d'autres invoquaient les anges, et il leur interdit cela. Il les informa qu'Allah l'a envoyé afin qu'il soit adoré lui seul, et que personne d'autre que lui ne soit invoqué, que cela soit les anges ou les prophètes. Et donc, celui qui le suit et unifie Allah, c'est celui qui atteste qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah. Et celui qui lui désobéit et invoque Isa et les anges, et leur implore l'aide et se réfugie vers eux, celui-là a rejeté qu'il n'y a de vraie divinité qu'Allah, malgré qu'il reconnaît que nul ne crée ni ne subvient en dehors d'Allah. Il dit ça dans Durar al-Saniya 1, page 65. Et l'imam Shamsuddin Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit: والإسلام هو التوحيد الله وحده لا شريك له والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به فمن لم يأت العبادة فهذا فليس بمسلم. L'islam, c'est l'unicité d'Allah et l'adorer seul et sans associé, et avoir foi en Allah et en son messager et le suivre dans ce qu'il a enseigné. Tant que le serviteur n'accomplit pas ceci, alors il ne sera pas musulman. Il dit ça dans Tariq al-Hijratayn, page 411. Ainsi, les points à noter dans ce chapitre sont au nombre de quatre. Le premier, c'est la définition de l'islam, qui n'est autre que n'adorer aucun, ne donner aucun associé à Allah, tout en l'adorant seul sans associé, selon l'enseignement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième point, c'est que celui qui donne un associé à Allah n'est pas musulman. Le troisième point, celui qui n'adore qu'Allah uniquement, mais d'après un autre enseignement que celui de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui le fait consciemment, alors il n'est pas musulman. Comme pour les juifs par exemple. D'ailleurs, cette adoration ou ces adorations-là reviennent en réalité à Shaytan, la'natullah alayhi, et non à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quatrièmement, celui qui adore Allah uniquement, mais d'après une innovation sans être conscient que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas enseigné. Il est musulman, mais c'est un innovateur, un hérétique et un égaré. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفنا على الإسلام وبعثنا مع المسلمين الصالحين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والله سبحانه وتعالى أعلم.